et grand feuilleton de France Culture. Le Comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 14e épisode, le rendez-vous. Pendant le carnaval de Rome, le jeune Albert de Morcerf, en quête d'une bonne fortune, rencontre une femme masquée qui lui lance un bouquet dans lequel il découvre un billet. Par ce billet, l'inconnu lui donne rendez-vous pour le lendemain soir à 7h. Mais le baron Franz d'Épinay rappelle à Albert que ce soir-là, ils sont tous deux invités au bal que donne le duc de Bracciano, le célèbre banquier romain. Ainsi donc, baron, votre ami le vicomte de Morcerf n'est pas rentré. Je l'ai attendu en vain toute la soirée. Et savez-vous où il allait ? Je crois qu'il s'agissait de quelque chose comme un rendez-vous. Diable, c'est une mauvaise nuit pour s'attarder. N'est-ce pas, comtesse ? Je trouve au contraire que c'est une charmante nuit. Et ceux qui sont ici ne se plaindront que d'une chose, c'est qu'elle passera trop vite. Mais je parle, comtesse, de ceux qui courent les rues de Rome. Et comme notre ami Albert, que j'ai quitté vers les 7 heures du soir. Il était à la poursuite d'une inconnue et je ne l'ai pas revu depuis. Vous n'auriez pas dû le laisser, vous connaissez Rome mieux que lui. J'ai prévenu l'hôtel que j'avais l'honneur de passer la nuit chez vous, duc. Et on doit venir m'annoncer son retour. Tenez, monsieur d'Épinay, je crois justement que voilà un de mes domestiques qui vous cherche. Excellence, le maître de l'hôtel de Londres vous fait prévenir qu'un homme vous attend chez lui, avec une lettre de monsieur le vicomte de Morcerf. Oh, mon Dieu, pauvre jeune homme. Il lui est peut-être arrivé un accident. J'y cours. N'est-ce pas vous qui m'apportez une lettre du vicomte de Morcerf ? Êtes-vous le baron Franz d'Épinay, compagnon de voyage du vicomte ? Oui. C'est donc bien à votre excellence que cette lettre est adressée. Y a-t-il une réponse ? Oui, du moins votre ami l'espère bien. Montez chez moi, je vous la donnerai. Non, j'aime mieux attendre ici. Votre excellence comprendra la chose quand elle aura lu la lettre. Bien. Mais... Ah, cette lanterne éclaire mal. Il me semble que je vous reconnais. Oh, j'y suis. N'êtes-vous pas le condamné à mort qui fut gracié hier? En effet. Mon nom est Peppino. Attendez-moi, je reviens tout de suite. Cher ami, aussitôt la présente reçue et l'obligeance de prendre dans mon portefeuille que vous trouverez dans le tiroir du secrétaire la lettre de crédit. Joignez-y la vôtre si elle n'est pas suffisante. Courez chez Torlonia, prenez-y à l'instant même 4000 piastres et remettez-les au porteur. Il est urgent que cette somme me soit adressée sans aucun retard. Je n'insiste pas davantage, comptant sur vous comme vous pourriez compter sur moi. Votre ami Albert de Morcerf. Postscriptum. Je crois maintenant aux bandits italiens. Tiens, ouais. Et ceci encore? Si elle essaye dès la matinée... Ah, voyons, 6 heures du matin, les 4000 piastres ne sont point entre mes mains. À 7 heures, le vicomte Albert de Morcerf aura cessé de vivre. Signé Luigi Vampa. Il n'y a pas de temps à perdre. En tenant compte des dépenses déjà faites, il nous reste, voyons, 3000 piastres, plus quelques louis. Il manque donc 700 à 800 piastres. Et je ne suis pas certain que Torlonia consente. Oh, voilà. Je ne vois que le comte de Monte Cristo qui puisse... Enfin, s'il est chez lui... Que se passe-t-il donc, Baron ? Lisez ceci. Ah. Avez-vous pris connaissance du post-scriptum en italien ? Oui. Avez-vous la somme demandée ? Oui. Moins 800 piastres. J'espère que vous ne me ferez pas l'injure de vous adresser à un autre qu'à moi. Prenez. Est-il nécessaire d'envoyer cette somme à Luigi Vampa ? Dame, le post-scriptum est précis. Si nous allions trouver Luigi Vampa ensemble, je suis sûr qu'il ne vous refuserait pas la liberté d'Albert. À moi ? Quelle influence voulez-vous que j'ai sur ce bandit ? Ne venez-vous pas de sauver la vie à Peppino ? Qui vous a dit cela ? Que vous importe. Je le sais. Eh bien, soit. Le temps est beau, une promenade dans la campagne de Rome ne peut que nous faire du bien. Où est l'homme qui a apporté ce billet ? En bas, dans la rue. Il attend la réponse. Salite ! Il n'a pas voulu monter. Chez vous, peut-être. Mais chez moi, il ne fera pas de difficulté. Ah, c'est toi, Peppino. Excellence, ma vie... Ah, tu n'as pas encore oublié que je t'ai sauvé la vie. Je ne l'oublierai jamais, Excellence. Relève-toi. Et réponds, comment le vicomte de Morcerf est-il tombé entre les mains de Luigi ? Excellence... La calèche du Français a croisé plusieurs fois celle où était Teresa. La maîtresse du chef ? Oui. Le Français lui a fait les yeux doux. Teresa s'est amusée à lui répondre, avec bien entendu le consentement du chef, qui était dans la même calèche. C'était lui le cocher. Après ? Toujours avec le consentement du chef, Teresa accorda un rendez-vous au Français. Seulement, au lieu de Teresa... Ce fut Beppo qui se trouva sur les marches de l'église San Giacomo. Il a 15 ans, Beppo, et il en a attrapé bien d'autres. Ensuite ? Ensuite, ils sont montés dans une calèche qui attendait au bout de la Via Macello, et on l'a conduit hors des murs, sous la menace d'une paire de pistolets. Le jeune vicomte est à présent dans les catacombes de Saint-Sébastien. Bien. Faites sortir la voiture de remise et ôtez les pistolets qui sont dans les poches. Ali conduira. Bien, monsieur. Êtes-vous toujours décidé à m'accompagner, monsieur Lépinay ? Plus que jamais. Eh bien, venez, alors. Qui vive? Amici. Tous ces couloirs. Ces galeries. On s'y perdrait. Oui, le repère est sûr. Mais fort heureusement, Peppino est un bon guide. Ah, nous y voici. Vous allez voir un camp de bandits au repos. Qui vive ? Eh bien, mon cher Vampa, il me semble que voilà bien des frais pour recevoir un ami. Armes bas, vous autres. Pardon, monsieur le comte, j'étais si loin de m'attendre à l'honneur de votre visite. N'a-t-il pas été convenu, mon cher Vampa, que non seulement ma personne, mais encore celle de mes amis vous serait sacrée? Et en quoi ai-je manqué au traité, Excellence? Vous avez enlevé ce soir le vicomte Albert de Morcerf. Ce jeune homme est de mes amis et vous l'avez mis à rançon comme s'il était le premier venu. Pourquoi ne m'avez-vous pas prévu de cela, vous autres? Corpo di Cristo! Si je croyais qu'un de vous eût su que le jeune homme était l'ami de son Excellence, je lui brûlerais la cervelle! Je pensais bien, Baron, qu'il y avait quelque erreur là-dessous. Mais n'êtes-vous pas seul? Non, je suis avec le Baron Franz d'Épinay, à qui cette lettre était adressée et à qui j'ai voulu prouver que Luigi Vampa était un homme de parole. Soyez le bienvenu parmi nous, Excellence. Le prisonnier est là. Il ne lui est rien arrivé. Et je vais lui annoncer moi-même qu'il est libre. Oh ! Que fait le prisonnier ? Ma foi, capitaine, j'en sais rien. Ça fait plus d'une heure que je l'ai pas entendu bouger. Il dort. Pas mal pour un homme qui devait être tué à 7 heures du matin. Vous avez raison, monsieur le comte. Cet homme doit être de vos amis. Réveillez-vous, monsieur. Réveillez-vous, vous avez de la visite. Quoi? Ah, c'est vous, capitaine. Oh, pardieu, vous auriez dû me laisser dormir. Je rêvais que je dansais le galop avec la comtesse Gasparini. Vous êtes libre, monsieur. Quelqu'un à qui je n'ai rien à refuser est venu vous réclamer. Franz, c'est vous qui... Non, non, pas moi, mais notre voisin, le comte de Monte Cristo. Ah... Comte, j'espère que vous me regarderez comme votre éternel obligé. Mon cher Albert, si vous vous hâtez, nous aurons encore le temps d'aller finir la nuit chez le duc de Bracciano, où se trouve la comtesse Gasparini, et où vous pourrez reprendre votre galop où vous l'avez interrompu, de sorte que vous ne garderez aucune rancune au seigneur Vampa, qui s'est véritablement dans cette affaire conduit en galant homme. Votre Excellence me comble. Peppino, donne-moi la torche. Que faites-vous, capitaine? Je vous reconduis. C'est le moindre honneur que je puisse rendre à votre Excellence. Le lendemain, 27 février 1838... dans l'appartement de Monte Cristo, à l'hôtel de Londres. Comte, permettez-moi de vous répéter ce que je vous ai mal dit hier. Je me souviendrai toujours que je vous dois la vie. Mon cher voisin, vous exagérez vos obligations envers moi. Vous me devez une petite économie d'une vingtaine de mille francs sur votre budget de voyage, voilà tout. Vous voyez bien que ce n'est pas la peine d'en parler. Mon père, le comte de Morcerf, qui est d'origine espagnole, à une haute position en France et en Espagne. Je viens me mettre, moi et tous les gens qui m'aiment, à votre disposition. Je vous avoue que j'attendais votre offre et que je l'accepte de grand cœur. J'avais déjà jeté mon dévolu sur vous pour vous demander un grand service. Voilà, je ne connais pas Paris. Vraiment, c'est incroyable. C'est ainsi. Mais je sens qu'une plus longue ignorance de la capitale du monde intelligent est chose impossible. Maintenant, votre offre me décide. Voyons, Vous engagez-vous, cher monsieur de Morcerf, lorsque j'irai en France, à m'ouvrir les portes de ce monde où je serai aussi étranger qu'un Huron ou qu'un cochon chinois? Quant à cela, de grand cœur. Et d'autant plus volontiers que je suis rappelé à Paris par une lettre où il est question pour moi d'une alliance avec une maison fort agréable qui a les meilleures relations dans le monde parisien. Alliance par mariage? Mon Dieu, oui. Ainsi, quand vous viendrez à Paris, vous me trouverez homme posé, peut-être même père de famille. Et je vous le répète, moi et les miens sommes à vous, corps et âme. J'accepte, car je vous jure qu'il ne me manquait que cette occasion pour réaliser des projets que je rumine depuis longtemps. Je veux aller à Paris. Il faut que j'y aille. Et quand cela? Eh bien, dans 3 mois. Et dans 3 mois, vous venez frapper à ma porte. Voulez-vous un rendez-vous jour pour jour, heure pour heure? Je vous préviens que je suis d'une exactitude désespérante. Tant mieux. Jour pour jour, heure pour heure, cela me va à merveille. Eh bien, soit. Nous sommes aujourd'hui le 27 février. Il est 10h30 du matin. Voulez-vous m'attendre le 27 mai prochain à 10h30 du matin? Le déjeuner sera prêt. Vous demeurez? Rue du Helder, numéro 27. Dites-moi, vous êtes chez vous en garçon, je ne vous gênerai pas. J'habite dans l'hôtel de mon père, mais un pavillon au fond de la cour, entièrement séparé. Rue du Helder, numéro 27, 27 mai, à 10h30 du matin. Bien. Et maintenant, soyez tranquille, l'aiguille de votre pendule ne sera pas plus exacte que moi. À quelle heure, monsieur, veut-il être servi? À 10h30, précise. Debray sera peut-être forcé d'aller à son ministère. D'ailleurs, c'est l'heure fixée par le comte, 10h30 du matin, le 27 mai. Et quoique je ne fasse pas grand fond sur sa promesse, je veux être exact. Florentin, savez-vous si madame la comtesse est levée? Si monsieur le vicomte le désire, je m'en informerai. Oui, vous lui direz que j'aurai l'honneur de passer chez elle vers 1h et que je lui fais demander la permission de lui présenter quelqu'un. Bien, monsieur. Ah, ce doit être monsieur Debray. Ce sera tout, Florentin, merci. Monsieur Lucien Debray. Bonjour, Lucien. Bonjour, mon cher. Il n'est que 10h moins 5 minutes, c'est miraculeux. Le ministère serait-il renversé? Non, très cher, rassurez-vous. Nous chancelons toujours, mais nous ne tombons jamais. Et les affaires de la péninsule vont nous consolider tout à fait. Ah oui, c'est vrai. Vous chassez Don Carlos d'Espagne. Alors, ne confondons pas, nous le ramenons de l'autre côté de la frontière de France et nous lui offrons une hospitalité royale à Bourges. À Bourges? Mais comment, vous ne saviez pas cela? C'est connu depuis hier de tout Paris. Et avant-hier, la chose avait déjà transpiré à la bourse. Car Monsieur Danglars, je ne sais d'ailleurs point par quel moyen, cet homme sait les nouvelles en même temps que nous. Monsieur Danglars, donc, a joué à la hausse et a gagné 1 million. Et vous, un ruban nouveau, à ce qu'il paraît? Oui, oui, ils m'ont envoyé la plaque de Charles III. Avouez que la chose vous a fait plaisir à recevoir. Ma foi, oui. Comme complément de toilette, une plaque fait bien sur un habit noir boutonné. C'est élégant. Voilà donc pourquoi vous me voyez si matin, très cher. Parce que vous avez la plaque de Charles III. Non, parce que j'ai passé la nuit à expédier des dépêches diplomatiques. Rentré chez moi au petit jour, j'ai voulu dormir, mais le mal de tête m'a pris, alors je me suis relevé pour monter à cheval 1 heure. Et maintenant, j'ai faim. Nourrissez-moi. Je m'ennuie, alors amusez-moi. C'est mon devoir d'amphitryon, cher ami. Ah, Florentin, un verre de Kérès et un biscuit. Mais en attendant, Lucien, prenez donc un cigare. Merci. Mon cher vicomte, que vous êtes heureux de n'avoir rien à faire. Vous ne connaissez pas votre bonheur. Et que feriez-vous donc, mon cher pacificateur de royaume, si vous ne faisiez rien? Oh. Comment? secrétaire particulier d'un ministre, lancé à la fois dans la grande cabale européenne et dans les petites intrigues de Paris, ayant des rois et des reines à protéger, des partis à réunir, des élections à diriger, faisant plus avec votre plume et votre télégraphe que Napoléon ne faisait avec son épée et ses victoires, possédant 25 000 livres de rente en dehors de votre place, un cheval dont Château Renaud vous a offert 400 louis, oui. Un tailleur qui ne vous rate jamais un pantalon, ayant l'opéra, le jockey club, le théâtre des variétés. Vous ne trouvez pas dans tout cela de quoi vous distraire. Eh bien, je vais vous distraire, moi, en vous faisant faire une connaissance nouvelle. Ah, en homme ou en femme? En homme. Ah. Et d'où vient-il? Du bout du monde? De plus loin, peut-être. J'espère qu'il n'apporte pas notre déjeuner. Ah, voilà votre caresse et votre biscuit. Merci. Mais vous aviez donc faim? J'ai dîné hier. Chez Monsieur de Villefort, et on dîne très mal chez tous ces gens du parquet. On dirait toujours qu'ils ont des remords. Avec cela qu'on dîne bien chez vos ministres. Ma foi. Monsieur Beauchamp. Ah, entrée plume terrible. Bonjour. Tenez, voici Debray qui vous déteste. Sans vous lire. Et moi, je le critique sans savoir ce qu'il fait. Bonjour, commandeur. Ah, vous savez déjà cela. Et qu'en dit-on dans le monde? Dans quel monde? Nous avons beaucoup de monde en l'an de grâce 1838. Mais dans le monde critico-littéraire, dont vous êtes un des lions. On dit que c'est fort juste. Et que vous semez assez de rouge pour qu'il vous pousse un peu de bleu. Pas mal, pas mal. Mais pourquoi n'êtes-vous pas des nôtres, mon cher Beauchamp? Allez, ayant de l'esprit comme vous en avez, vous feriez fortune en 3 ou 4 ans. Alors je n'attends qu'une chose, un ministère qui soit assuré pour 6 mois. Bon, un seul mot, mon cher Albert. Déjeunons-nous ou dînons-nous? J'ai la chambre, moi. On déjeunera seulement. Bien. À 10h30, précise. Et avec un gentilhomme et un diplomate. C'est que j'entendrai ce matin un discours de M. Danglars à la Chambre des députés, et ce soir, chez sa femme, une tragédie d'un pair de France. Oh. Le diable emporte le gouvernement constitutionnel. Rappelez-vous que la chronique parisienne parle d'un mariage entre moi et Mademoiselle Eugénie Danglars. Ce mariage ne se fera jamais. Le roi a pu le faire baron, il ne le fera pas gentilhomme. Le vicomte Albert de Morcerf ne doit épouser qu'une marquise. Mais Danglars donne 2 millions à sa fille, c'est joli. 2 millions? Mais c'est le capital social d'un théâtre de boulevard. Monsieur de Château-Renaud, Monsieur Maximilien Morel. Messieurs. Morel. Qu'est-ce que c'est que ça, Morel? Permettez-moi, mon cher, de vous présenter Monsieur le capitaine de Spahy, Maximilien Morel. Mon ami et de plus mon sauveur. Saluez mon héros, vicomte. Monsieur, le baron de Château-Renaud savait d'avance tout le plaisir qu'il me procurait en me faisant faire votre connaissance. Vous êtes de ses amis, soyez des nôtres. Et il faut encore que vous sachiez ce qu'il a fait pour moi. Non, non, cela ne vaut pas la peine d'en parler. Comment? La vie ne vaut pas la peine qu'on en parle. Non, écoutez plutôt. Vous savez tous que l'idée m'était venue d'aller en Afrique. Je voulais essayer sur les Arabes des pistolets neufs dont on venait de me faire cadeau. Je m'embarquais donc, je gagnais Constantine et j'arrivais juste pour voir lever le siège. Je me mis en retraite comme les autres. En route, mon cheval mourut de froid et je me retrouvais à pied. 6 Arabes vinrent au galop pour me couper la tête. J'en abattis 2 à coups de fusil, 2 autres à coups de pistolet... Mais il en restait encore 2. Et j'étais désarmé. L'un me prit par les cheveux. C'est pour cela que je les porte courts maintenant. L'autre m'enveloppa le cou de son yatagan. Je sentais déjà le froid aigu du fer. Quand Monsieur Morel chargea à son tour et les tua tous deux. Ah, oh, bravo, mon cher. Monsieur Morel s'était donné pour tâche de sauver un homme ce jour-là. Le hasard voulut que ce fût moi. Eh bien, c'était le 5 juillet, l'anniversaire d'un jour où mon père fut miraculeusement sauvé. Aussi, Autant qu'il est en mon pouvoir, je célèbre tous les ans ce jour-là par une action... héroïque. Cette histoire à laquelle Morel fait allusion est admirable et il vous la racontera un jour. Mais à quelle heure déjeunons-nous, Albert? À 10h30. Moi aussi, j'attends un sauveur. Ah, un sauveur à qui? À moi, parbleu. À vous? Croyez-vous donc qu'on ne puisse pas me sauver tout comme un autre? Pourquoi pas? Et d'où vient-il, votre sauveur? Quand je l'ai invité, il y a 3 mois de cela, il était à Rome. Mais depuis ce temps-là, qui peut dire le chemin qu'il a fait? Le croyez-vous capable d'être exact? Oh, je le crois capable de tout. De tout, vraiment? J'étais à Rome, au carnaval dernier, avec Franz d'Épinay. Je fus enlevé et retenu prisonnier par des brigands. Ma rançon avait été fixée à 4000 écus romains. 4000. J'étais au bout de mon voyage et mon crédit était bien entamé. Il manquait 800 piastres pour me sauver la vie. Mais Franz arriva avec les 4000 écus. Non, il arriva purement et simplement, accompagné du convive que je vous annonce. Celui-ci dit 2 mots à Luigi Vampa, le chef des brigands, et je fus libre. Ah. Et... le nom du sauveur? Le comte de Monte Cristo. Oh. On ne s'appelle pas Monte Cristo. Cher ami, avec une telle imagination, vous devriez écrire. Monte Cristo est une petite île dont j'ai souvent entendu parler par les marins qu'employait mon père. C'est un grain de sable au milieu de la Méditerranée. C'est cela. Il aura acheté son brevet de comte en Toscane. Mais dites-moi, mon cher, il est donc riche, votre comte? Il se fait parfois appeler Simbad le marin. Et il a une caverne. Pleine d'or. Oh, Franz l'a vu. Il y est descendu, les yeux bandés. Il y a été servi par des muets et des femmes auprès desquelles Cléopâtre n'est qu'une lorette. Seulement, des femmes, il n'en est pas bien sûr, vu qu'elles sont entrées après qu'il eut mangé le haschich. Et à ça, mon cher Albert, vous moquez-vous de nous? Non, j'ai entendu raconter encore par un vieux marin nommé Penelon quelque chose de pareil à ce que dit Monsieur de Morcerf. Le comte de Monte Cristo existe. Mais parbleu, tout le monde existe, le beau miracle. Tout le monde n'a pas des esclaves noirs, des galeries princières, des chevaux à 6000 francs pièce et une maîtresse grecque. L'avez-vous vue, la maîtresse grecque? Vue et entendue. Vue au théâtre, dans sa loge. Entendue un jour chez le comte, faisant de la musique. Où donc est-il, ce comte de Monte Cristo? Voilà 10h30 qui sonne, mon cher Albert. Son Excellence, le comte de Monte Cristo. C'était Le comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Aujourd'hui, 14e épisode, Le rendez-vous. Avec Edmond Dantès, Pierre Santini, le duc de Bracciano, Guy Marly, Franz d'Épinay, Jean-Pierre Leroux, la duchesse de Bracciano, Danielle Duroux, la comtesse Gasparini, Lisbeth Heul, Pepino, Pierre Guéant, Vampa, Maurice Sarfati, Albert de Morcerf, Richard Leduc, Florentin, Jacques Maire, Lucien Debray, Gilles Guyot, Beauchamp, Philippe Mercier, Château Renaud, François Marié, Maximilien Morel, Pierre Arditi, Les Brigands, Claude Leblanc, Georges Beauvillier, Bernard Alouf, L'Annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage Louis Amiel, chef opérateur du son Marcel Grenier, collaboration technique Bernard Delfieux, régisseur de production Anna Sibert, réalisation Jean-Jacques Vierne. Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 30 octobre 1980. Vous pouvez le télécharger ainsi que les précédents sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. Et demain, à la même heure, la suite.